Chapitre 11. Elle ne put ouvrir la lettre de Louise que le soir. C'était une longue paraphrase du peu de mots qu'elles avaient pu échanger à leur gré dans l'entrevue de la ferme. Cette lettre, toute palpitante de joie et d'espoir, était l'expression d'une véritable amitié de femme romanesque, expansive, sœur de l'amour, amitié pleine d'adorables puérilités et de platoniques ardeurs. Elle terminait par ces mots. Le hasard m'a fait découvrir que ta mère allait demain rendre une visite dans le voisinage. Elle n'ira que vers la nuit à cause de la chaleur. Tâche de te dispenser de l'accompagner, et dès que la nuit sera sombre, viens me trouver au bout de la grande prairie, à l'endroit du petit bois de Vavray. La lune ne se lève qu'à minuit, et cet endroit est toujours désert. Le lendemain, la comtesse partit vers 6 heures du soir, engageant Valentine à se mettre au lit, et recommandant à la marquise de veiller à ce qu'elle prît un bain de pied bien chaud. Mais la vieille femme, tout en disant qu'elle avait élevé 7 enfants et qu'elle sortait soigner une migraine, oublia bien vite tout ce qui n'était pas elle. Fidèle à ses habitudes de mollesse antique, elle se mit au bain à la place de sa petite fille, et fit appeler sa demoiselle de compagnie pour lui lire un roman de Crébillon fils. Valentine s'échappa dès que l'ombre commença à descendre sur la colline. Elle prit une robe brune afin d'être moins aperçue dans la campagne assombrie. Et, coiffée seulement de ses beaux cheveux blonds qu'agitaient les tièdes brises du soir, elle franchit la prairie d'un pied rapide. Cette prairie avait bien une demi-lieue de long. Elle était coupée de larges ruisseaux auxquels des arbres renversés servaient de ponts. Dans l'obscurité, Valentine faillit plusieurs fois se laisser tomber. Tantôt elle accrochait sa robe à d'invisibles épines, tantôt son pied s'enfonçait dans la vase trompeuse du ruisseau. Sa marche légère éveillait des milliers de phalènes bourdonnantes. Le grillon babillard se taisait à son approche, et quelquefois une chouette endormie dans le tronc d'un vieux saule s'en échappait et la faisait tressaillir en rasant son front de son aile souple et cotonneuse. C'était la première fois de sa vie que Valentine se hasardait seule, la nuit, volontairement, hors du toit paternel. Quoiqu'une grande exaltation morale lui prêtât des forces, la peur s'empara d'elle parfois et lui donnait des ailes pour raser l'herbe et franchir les ruisseaux. Au lieu indiqué, elle trouva sa sœur qui l'attendait avec impatience. Après 1000 tendres caresses, elles s'assirent sur la marge d'un fossé et se mirent à causer. « Conte-moi donc ta vie depuis que je t'ai perdue !» dit Valentine à Louise. Louise raconta ses voyages, ses chagrins, son isolement, sa misère. À peine âgée de 16 ans, lorsqu'elle se trouva exilée en Allemagne auprès d'une vieille parente de sa famille, elle n'avait touché qu'une faible pension alimentaire qui ne suffisait point à la rendre indépendante. Tyrannisée par cette duègne, elle s'était enfuie en Italie, où, à force de travail et d'économie, elle avait réussi à subsister. Enfin, sa majorité étant arrivée, elle avait joui de son patrimoine, héritage fort modique, car toute la fortune de cette famille venait de la comtesse. La terre même de Rimbaud, ayant été rachetée par elle, lui appartenait en propre, et la vieille mère du général ne devait une existence agréable qu'au bon procédé de sa belle-fille. C'est pour cette raison qu'elle la ménageait et avait abandonné entièrement Louise afin de ne pas tomber dans l'indigence. Quelque mince que fût la somme que toucha cette malheureuse fille, Elle fut accueillie comme une richesse et suffit de reste à des besoins qu'elle avait su restreindre. Une circonstance qu'elle n'expliquait pas à sa sœur, l'ayant engagée à revenir à Paris, elle y était depuis 6 mois, lorsqu'elle apprit le prochain mariage de Valentine. Dévorée du désir de revoir sa patrie et sa sœur, elle avait écrit à sa nourrice, Madame Léry, et celle-ci, bonne et aimante femme, qui n'avait jamais cessé de correspondre de loin en loin avec elle, se hâta de l'inviter à venir secrètement passer quelques semaines à la ferme. Louise accepta, avec empressement, dans la crainte que le mariage de Valentine ne mît bientôt une plus invincible barrière entre elles deux. « À Dieu ne plaise !» répondit Valentine. « Ce sera au contraire le signal de notre rapprochement. Mais dis-moi, Louise, dans tout ce que tu viens de me raconter, tu as omis une circonstance bien intéressante pour moi. Tu ne m'as pas dit si... » Et Valentine, embarrassée de prononcer un seul mot qui eût rapport à cette terrible faute de sa sœur, qu'elle eût voulu effacer au prix de tout son sang, sentit sa langue se paralyser et son front se couvrir d'une sueur brûlante. Louise comprit, et malgré les déchirants remords de sa vie, aucun reproche n'enfonça dans son cœur une pointe si acérée que cet embarras et ce silence. Elle laissa tomber sa tête sur ses mains, et, facile à aigrir après une vie de malheur, elle trouva que Valentine lui faisait plus de mal à elle seule que tous les autres ensemble. Mais, revenant bientôt à la raison, elle se dit que Valentine souffrait par excès de délicatesse. Elle comprit qu'il en avait déjà bien coûté à cette jeune fille si pudique pour appeler une confidence plus intime et pour oser seulement la désirer. « Eh bien, Valentine, dit-elle en passant un de ses bras au cou de sa jeune sœur. Puis, Valentine, essuyant ses yeux, réussit par un sublime effort à dépouiller la rigidité de la jeune vierge pour s'élever au rôle de l'amie généreuse et forte. « Dis-moi, s'écria-t-elle, il est dans tout cela un être qui a dû étendre son influence sacrée sur toute ta vie, un être que je ne connais pas, dont j'ignore le nom, mais qu'il m'a semblé parfois aimé de toute la force du sang et de toute la volonté de ma tendresse pour toi. Tu veux donc que je t'en parle, ô ma courageuse sœur. J'ai cru que je n'oserais jamais te rappeler son existence. Eh bien, ta grandeur d'âme surpasse tout ce que j'en espérais. Mon fils existe. Il ne m'a jamais quitté. C'est moi qui l'ai élevé. Je n'ai point essayé de dissimuler ma faute en l'éloignant de moi ou en lui refusant mon nom. Partout il m'a suivi. Partout sa présence a révélé mon malheur et mon repentir. Et, le croiras-tu, Valentine, j'ai fini par mettre ma gloire à me proclamer sa mère. Et dans toutes les âmes justes, j'ai trouvé mon absolution en faveur de mon courage. Et quand même je ne serai pas ta sœur et ta fille aussi, répondit Valentine. Je voudrais être au nombre de ces justes. Mais où est-il? Mon Valentin est à Paris, dans un collège. C'est pour l'y conduire que j'ai quitté l'Italie, et c'est pour te voir que je me suis séparée de lui depuis un mois. Il est beau, mon fils, Valentine. Il est aimant. Il te connaît. Il désire ardemment embrasser celle dont il porte le nom, et il te ressemble. Il est blond et calme, comme toi. À 14 ans, il est presque de ta taille. Dis, voudras-tu, quand tu seras mariée, que je te le présente ? Valentine répondit par 1000 caresses. 2 heures s'étaient écoulées rapidement, non seulement à se rappeler le passé, mais encore à faire des projets pour l'avenir. Valentine y portait toute la confiance de son âge. Louise y croyait moins, mais elle ne le disait pas. Une ombre noire se dessina tout d'un coup dans l'air bleu au-dessus du fossé. Valentine tressaillit et laissa échapper un cri d'effroi. Louise, posant sa main sur la sienne, lui dit « Rassure-toi, c'est un ami, c'est Bénédicte. » Valentine fut d'abord contrariée de sa présence au rendez-vous. Il semblait que, désormais, tous les actes de sa vie amenassent un rapprochement forcé entre elle et ce jeune homme. Cependant, elle fut forcée de comprendre que son voisinage n'était pas inutile à deux femmes dans cet endroit écarté, et surtout que son escorte devait agréer à Louise, qui était à plus d'une lieue de son gîte. Elle ne put pas non plus s'empêcher de remarquer le sentiment de délicatesse respectueuse qui l'avait fait s'abstenir de paraître durant leur entretien. Ne fallait-il pas du dévouement, d'ailleurs, pour monter ainsi la garde pendant 2 heures? Tout bien considéré, il y aurait eu de l'ingratitude à lui faire un froid accueil. Elle lui expliqua le billet de sa mère, prit tout le tort sur elle, et le supplia de ne venir au château qu'avec une forte dose de patience et de philosophie. Bénédicte jura en riant que rien ne l'ébranlerait. Et, après l'avoir reconduite avec Louise jusqu'au bout de la prairie, il reprit avec celle-ci le chemin de la ferme. Le lendemain, il se présenta au château. Par un hasard dont Bénédicte ne se plaignait pas, c'était au tour de Madame de Rimbaud à avoir la migraine. Mais celle-là n'était pas feinte. Elle la força de garder le lit. Les choses se passèrent donc mieux que Bénédicte ne l'avait espéré. Quand il sut que la comtesse ne se lèverait pas de la journée, il commença par démonter le piano et enlever toutes les touches. Puis il trouva qu'il fallait remettre des buffles à tous les marteaux. Quantité de cordes rouillées était à renouveler. Enfin, il se créa de l'ouvrage pour tout un jour. Car Valentine était là. Lui présentant les ciseaux, l'aidant à rouler le laiton sur la bobine, lui donnant la note au diapason, et s'occupant de son piano peut-être plus ce jour-là qu'elle n'avait fait dans toute sa vie. De son côté, Bénédicte était beaucoup moins habile à cette besogne que Valentine ne l'avait annoncée. Il cassa plus d'une corde en la montant, il tourna plus d'une cheville pour une autre, et souvent dérangea la corde toute une gamme pour remettre celui d'une note. Pendant ce temps, la vieille marquise allait, venait, toussait, dormait, et ne s'occupait d'eux que pour les mettre plus à l'aise encore. Ce fut une délicieuse journée pour Bénédicte. Valentine était si douce, elle avait une gaieté si naïve, si vraie, une politesse si obligeante, qu'il était impossible de ne pas respirer à l'aise auprès d'elle. Et puis, je ne sais comment il se fit qu'au bout d'une heure, par un accord tacite, toute politesse disparut entre eux. Une sorte de camaraderie enfantine et rieuse s'établit. Ils se raillaient de leur mutuelle maladresse, leurs mains se rencontraient sur le clavier, et, la gaieté chassant l'émotion, ils se querellaient comme de vieux amis. Enfin, vers 5 heures, le piano se trouvant accordé, Valentine imagina un moyen de retenir Bénédicte. Un peu d'hypocrisie s'improvisa dans ce cœur de jeune fille, et, sachant que sa mère accordait tout à l'extérieur de la déférence, elle se glissa dans son alcôve. « Maman, lui dit-elle, Monsieur Bénédicte a passé 6 heures à mon piano, et il n'a pas fini. Cependant, nous allons nous mettre à table. J'ai pensé qu'il était impossible d'envoyer ce jeune homme à l'office, puisque vous n'y envoyez jamais son oncle, et que vous lui faites servir du vin sur votre propre table. » Que dois-je faire? Je n'ai pas osé l'inviter à dîner avec nous sans savoir de vous si cela était convenable. » La même demande, faite en d'autres termes, n'eût obtenu qu'une sèche désapprobation. Mais la comtesse était toujours plus satisfaite d'obtenir la soumission à ses principes que l'obéissance passive à ses volontés. C'est le propre de la vanité de vouloir imposer le respect et l'amour de sa domination. « Je trouve la chose assez convenable, » répondit-elle. « Puisqu'il s'est rendu à mon billet sans hésiter et qu'il s'est exécuté de bonne grâce, il est juste de lui montrer quelque égard. Allez, ma fille, invitez-le vous-même de ma part. » Valentine, triomphante, retourna au salon, heureuse de pouvoir faire quelque chose d'agréable au nom de sa mère, et lui laissa tout l'honneur de cette invitation. Bénédicte, surpris, hésita à l'accepter. Valentine outrepassa un peu les pouvoirs dont elle était investie en insistant. Comme ils passaient tous trois à table, la marquise dit à l'oreille de Valentine « Est-ce que vraiment ta mère a eu l'idée de cette honnêteté ? Cela m'inquiète pour sa vie. Est-ce qu'elle est sérieusement malade ?» Valentine ne se permit pas de sourire à cette âcre plaisanterie. Tour à tour, dépositaire des plaintes et des inimitiés de ces deux femmes, elle était entre elles comme un rocher battu de deux courants contraires. Le repas fut court, mais enjoué. On passa ensuite sous la charmille pour prendre le café. La marquise était toujours d'assez bonne humeur en sortant de table. De son temps, quelques jeunes femmes, dont on tolérait la légèreté en faveur de leur grâce, et peut-être aussi de la diversion que leurs inconvenances apportaient à l'ennui d'une société oisive et blasée, se faisaient fanfaronnes de mauvais ton. À certains visages, l'air mauvais sujet allait bien. Madame de Provence était le noyau d'une coterie féminine qui sablait fort bien le champagne. Un siècle auparavant, Madame, belle-sœur de Louis XIV, bonne et grave allemande qui n'aimait que les saucisses à l'ail et la soupe à la bière, admirait chez les dames de la cour de France, et surtout chez Madame la duchesse de Berry, la faculté de boire beaucoup sans qu'il y parût, et de supporter à merveille le vin de Constance et le marasquin de Hongrie. La marquise était gaie au dessert. Elle racontait avec cette aisance ce naturel propre aux gens qui ont vu beaucoup de monde et qui leur tient lieu d'esprit. Bénédicte l'écouta avec surprise. Elle lui parlait une langue qu'il croyait étrangère à sa classe et à son sexe. Elle se servait de mots crus qui ne choquaient pas, tant elle les disait d'un air simple et sans façon. Elle racontait aussi des histoires avec une merveilleuse lucidité de mémoire et une admirable présence d'esprit pour en sauver les situations graveleuses à l'oreille de Valentine. Bénédicte levait quelquefois les yeux sur elle avec effroi et, à l'air paisible de la pauvre enfant, il voyait si clairement qu'elle n'avait pas compris qu'il se demandait s'il avait bien compris lui-même, si son imagination n'avait pas été au-delà du vrai sens. Enfin, il était confondu, étourdi de tant d'usages, avec tant de démoralisation, d'un tel mépris des principes, joint à un tel respect des convenances. Le monde que la marquise lui peignait était devant lui comme un rêve auquel il refusait de croire. Ils restèrent assez longtemps sous la charmille. Ensuite, Bénédicte essaya le piano et chanta. Enfin, il se retira assez tard, tout surpris de son intimité avec Valentine, tout ému sans en savoir la cause, mais emplissant son cerveau avec délices de l'image de cette belle et bonne fille qu'il était impossible de ne pas aimer. Chapitre 12. À quelques jours de là, Madame de Rimbaud fut engagée par le préfet à une brillante réunion qui se préparait au chef-lieu du département. C'était à l'occasion du passage de Madame la duchesse de Berry qui s'en allait ou qui revenait d'un de ses joyeux voyages. Femme étourdie et gracieuse qui avait réussi à se faire aimer malgré l'inclémence des temps, et qui longtemps se fit pardonner ses prodigalités par un sourire. Madame de Rimbaud devait être du petit nombre des dames choisies qui seraient présentées à la princesse et qui prendraient place à sa table privilégiée. Il était donc, selon elle, impossible qu'elle se dispensât de ce petit voyage, et pour rien au monde, elle n'eût voulu en être dispensée. Fille d'un riche marchand, Mademoiselle Chignon avait aspiré aux grandeurs dès son enfance. Elle s'était indignée de voir sa beauté, ses grâces de reine, son esprit d'intrigue et d'ambition s'étioler dans l'atmosphère bourgeoise d'un gros capitaliste. Mariée au général comte de Rimbaud, elle avait volé avec transport dans le tourbillon des grandeurs de l'Empire. Elle était justement la femme qui devait y briller. Vaine, bornée, ignorante, mais sachant ramper devant la royauté. Belle de cette beauté imposante et froide, pour laquelle semblait avoir été choisi le costume du temps. Prompte à s'instruire de l'étiquette, habile à s'y conformer, amoureuse de parures, de luxe, de pompes et de cérémonies, jamais elle n'avait pu concevoir les charmes de la vie intérieure. Jamais son cœur vide et altier n'avait goûté les douceurs de la famille. Louise avait déjà 10 ans. Elle était, même très développée pour son âge, lorsque Madame de Rimbaud devint sa belle-mère, et comprit avec effroi qu'avant 5 ans, la fille de son mari serait pour elle une rivale. Elle la relégua donc, avec sa grand-mère, au château de Rimbaud, et se promit de ne jamais la présenter dans le monde. Chaque fois qu'en la revoyant, elle s'aperçut des progrès de sa beauté, sa froideur pour cet enfant se changea en aversion. Enfin, dès qu'elle put reprocher à cette malheureuse une faute que l'abandon où elle l'avait laissée rendait excusable peut-être, elle se livra à une haine implacable et la chassa ignominieusement de chez elle. Quelques personnes dans le monde assuraient savoir la cause plus positive de cette inimitié. Monsieur de Neuville, l'homme qui avait séduit Louise et qui fut tué en duel par le père de cette infortunée, avait été en même temps, dit-on, l'amant de la comtesse et celui de sa belle-fille. Avec l'Empire, s'était évanouie toute la brillante existence de Madame de Rimbaud. Honneur, fête, plaisir, flatterie, représentation, tout avait disparu comme un songe. Et elle s'éveilla un matin, oubliée et délaissée dans la France légitimiste. Plusieurs furent plus habiles, et n'ayant pas perdu de temps pour saluer la nouvelle puissance, remontèrent aux fêtes des grandeurs. Mais la comtesse, qui n'avait jamais eu de présence d'esprit, et chez qui les premières impressions étaient violentes, perdit absolument la tête. Elle laissa voir à celle qui avait été ses compagnes et ses amies toute l'amertume de ses regrets, tout son mépris pour les têtes poudrées, toute son irrévérence pour la dévotion réédifiée. Ses amies accueillirent ses blasphèmes par des cris d'horreur, elles lui tournèrent le dos comme à une hérétique, et répandirent leur indignation dans les cabinets de toilette, dans les appartements secrets de la famille royale, où elles étaient admises, et où leur voix disposait des places et des fortunes. Dans le système des compensations de la couronne, la comtesse de Rimbaud fut oubliée. Il n'y eut pas pour elle la plus petite charge de dame d'atour. Forcée de renoncer à l'état de domesticité si cher aux courtisans, elle se retira dans ses terres et se fit franchement bonapartiste. Le faubourg Saint-Germain, qu'elle avait vu jusqu'alors, rompit avec elle comme mal-pensante. Les égaux, les parvenus, lui restèrent, et elle les accepta, faute de mieux. Mais elle les avait si fort méprisés dans sa prospérité, qu'elle ne trouva autour d'elle aucune affection solide pour la consoler de ses pertes. À 35 ans, il lui avait fallu ouvrir les yeux sur le néant des choses humaines. et c'était un peu tard pour cette femme qui avait perdu sa jeunesse, sans la sentir passer dans l'enivrement des joies puériles. Force lui fut de vieillir tout d'un coup. L'expérience ne l'ayant pas détachée de ses illusions une par une, comme cela arrive dans le cours des générations ordinaires, elle ne connut du déclin de l'âge que les regrets et la mauvaise humeur. Depuis ce temps, sa vie fut un continuel supplice. Tout lui devint sujet d'envie et d'irritation. En vain son ironie la vengeait des ridicules de la Restauration. En vain elle trouvait dans sa mémoire mille brillants souvenirs du passé pour faire la critique, par opposition, de ces semblants de royauté nouvelle. L'ennui rongeait cette femme, dont la vie avait été une fête perpétuelle, et qui, maintenant, se voyait forcée de végéter à l'ombre de la vie privée. Les soins domestiques, qui lui avaient toujours été étrangers, lui devinrent odieux. Sa fille, qu'elle connaissait à peine, versa peu de consolation sur ses blessures. Il fallait former cet enfant pour l'avenir, et Madame de Rimbaud ne pouvait vivre que dans le passé. Le monde de Paris, qui tout d'un coup changea si étrangement de mœurs et de manières, parlait une langue nouvelle qu'elle ne comprenait plus. Ses plaisirs l'ennuyaient ou la révoltaient. La solitude l'écrasait de fièvre et d'épouvante. Elle languissait, malade de colère et de douleur sur son ottomane, autour de laquelle ne venait plus ramper une cour en sous-ordre, miniature de la grande cour du souverain. Ses compagnons de disgrâce venaient chez elle pour gémir sur leur propre chagrin et pour insulter aux siens en les niant. Chacun voulait avoir accaparé à lui seul toute la disgrâce des temps et l'ingratitude de la France. C'était un monde de victimes et d'outragés qui se dévoraient entre eux. Ces égoïstes récriminations augmentaient l'aigreur fébrile de Madame de Rimbaud. Si de plus heureux venaient lui tendre encore une main amie et lui dire que les faveurs de Louis XVIII n'avaient point effacé en eux les souvenirs de la cour de Napoléon, elle se vengeait de leur prospérité en les accablant de reproches, en les accusant de trahison envers le grand homme. Elle, qui n'avait pas pu le trahir de la même manière. Enfin, pour comble de douleur et de consternation, à force de se voir passer au jour devant ces glaces vides et immobiles, à force de se regarder sans parure, sans rouge et sans diamant, boudeuse et flétrie, la comtesse de Rimbaud s'aperçut que sa jeunesse et sa beauté avaient fini avec l'Empire. Maintenant, elle avait 50 ans, et quoique cette beauté passée ne fût plus écrite sur son front qu'en signe hiéroglyphique, la vanité, qui ne meurt point au cœur de certaines femmes, lui créait de plus vives souffrances qu'en aucun temps de sa vie. Sa fille, qu'elle aimait de cet instinct que la nécessité imprime aux plus perverses natures, était pour elle un continuel sujet de retour vers le passé et de haine vers le temps présent. Elle ne la produisait dans le monde qu'avec une mortelle répugnance. Et si, en la voyant admirée, son premier mouvement était une pensée d'orgueil maternel, le second était une pensée de désespoir. « Son existence de femme commence, » se disait-elle, « c'en est fait de la mienne. » Aussi, lorsqu'elle pouvait se montrer sans Valentine, elle se sentait moins malheureuse. Il n'y avait plus autour d'elle de ces regards maladroitement complimenteurs qui lui disaient « C'est ainsi que vous fûtes jadis, et vous aussi, je vous ai vue belle. » Elle ne raisonnait pas sa coquetterie au point d'enfermer sa fille lorsqu'elle allait dans le monde. Mais, pour peu que celle-ci témoignât son humeur sédentaire, la comtesse, sans peut-être s'en rendre bien compte, admettait son refus, partait plus légère et respirait plus à l'aise dans l'atmosphère agitée des salons. Garrottée à ce monde oublieux et sans pitié qui n'avait plus pour elle que des déceptions et des déboires, elle se laissait traîner encore, comme un cadavre à son char. Où vivre ? Comment tuer le temps ? Et arriver à la fin de ces jours qui la vieillissaient et qu'elle regrettait dès qu'ils étaient passés. Aux esclaves de la mode, quand toute jouissance d'amour-propre est enlevée, quand tout intérêt de passion est ravi, il reste pour plaisir le mouvement, la clarté des lustres, le bourdonnement de la foule. Après tous les rêves de l'amour ou de l'ambition, subsiste encore le besoin de bruire, de remuer, de veiller, de dire « J'y étais hier, j'y serai demain ». C'est un triste spectacle que celui de ces femmes flétries qui cachent leurs rides sous des fleurs et couronnent leur front hâve de diamants et de plumes. Chez elles, tout est faux. La taille, le teint, les cheveux, le sourire. Tout est triste. La parure, le fard, la gaieté. Spectres échappés aux saturnales d'une autre époque, elles viennent s'asseoir au banquet d'aujourd'hui comme pour donner à la jeunesse une triste leçon de philosophie, comme pour lui dire « C'est ainsi que vous passerez ». Elles semblent se cramponner à la vie qui les abandonne et repoussent les outrages de la décrépitude en l'étalant nu aux outrages des regards. Femmes dignes de pitié, presque toutes sans famille ou sans cœur, qu'on voit dans toutes les fêtes s'enivrer de fumée, de souvenirs et de bruit. La comtesse, malgré l'ennui qu'elle y trouvait, n'avait pu se détacher de cette vie creuse et éventée. Tout en disant qu'elle y avait renoncé pour jamais, elle ne manquait pas une occasion de s'y replonger. Lorsqu'elle fut invitée à cette réunion de province que devait présider la princesse, elle ne se sentit pas d'aise. Mais elle cacha sa joie sous un air de condescendance dédaigneuse. Elle se flatta même en secret de rentrer en faveur, si elle pouvait fixer l'attention de la duchesse et lui faire voir combien elle était supérieure, pour le ton et l'usage, à tout ce qui l'entourait. D'ailleurs, sa fille allait épouser Monsieur de Lansac, un des favoris de la cause légitime. Il était bien temps de faire un pas vers cette aristocratie de nom qui allait relustrer son aristocratie d'argent. Madame de Rimbaud ne haïssait la noblesse que depuis que la noblesse l'avait repoussée. Peut-être le moment était-il venu de voir toutes ses vanités s'humaniser pour elle à un signe de madame. Elle exhuma donc du fond de sa garde-robe ses plus riches parures, tout en réfléchissant à celle dont elle couvrirait Valentine pour l'empêcher d'avoir l'air aussi grande et aussi formée qu'elle l'était réellement. Mais au milieu de cet examen, il arriva que Valentine, désirant mettre à profit cette semaine de liberté, devint plus ingénieuse et plus pénétrante qu'elle ne l'avait encore été. Elle commença à deviner que sa mère élevait ses graves questions de toilette et créait ses insolubles difficultés pour l'engager à rester au château. Quelques mots piquants de la vieille marquise sur l'embarras d'avoir une fille de 19 ans à produire achevèrent d'éclairer Valentine. Elle s'empressa de faire le procès aux modes, aux fêtes, aux déplacements et aux préfets. Sa mère, étonnée, abonda dans son sens et lui proposa de renoncer à ce voyage comme elle y renonçait elle-même. L'affaire fut bientôt jugée. Mais une heure après, comme Valentine serrait ses cartons et arrêtait ses préparatifs, Madame de Rimbaud recommença les siens en disant qu'elle avait réfléchi, qu'il serait inconvenant et dangereux peut-être de ne pas aller faire sa cour à la princesse, qu'elle se sacrifiait à cette démarche toute politique, mais qu'elle dispensait Valentine de la corvée. Valentine, qui depuis 8 jours était devenue singulièrement rusée, renferma sa joie. Le lendemain, dès que les roues qui emportaient la calèche de la comtesse eurent rayé le sable de l'avenue, Valentine courut demander à sa grand-mère la permission d'aller passer la journée à la ferme avec Athénaïs. Elle se prétendit invitée par sa jeune compagne à manger un gâteau sur l'herbe. À peine eut-elle parlé de gâteau qu'elle frémit, car la vieille marquise fut aussitôt tentée d'être de la partie. Mais l'éloignement et la chaleur l'y firent renoncer. Valentine monta à cheval, mit pied à terre à quelque distance de la ferme, renvoya son domestique et sa monture, et prit sa volée, comme une tourterelle, le long des buissons fleuris qui conduisaient à Grange-Neuve.